Bruegel le cinglier par Horace von Hoffel. Le premier maître de Pierre-Paul Rubens se nommait Toby Verhaegh. Toby était bon garçon et paysagiste habile. Ils allaient peindre d'après nature au bord de l'Escaut. Le vent bouleversait l'immensiel des polders pour chasser les nuages et chanter dans les roseaux. Une paix auguste resplendissait sur les plaines marécageuses à peine sorties de l'océan. Ainsi Toby et Pierre-Paul travaillaient jusqu'au crépuscule. Un fanal s'allumait dans le ciel, un fanal sur le fleuve où quelques barques solitaires glissaient lentement. Parfois c'était une haute carabelle avec son château d'arrière, ses balustrades, ses lanternes, ses figures sculptées, que le grand largue poussait vers la mer en gonflant ses voiles rouges ornées d'emblèmes héraldiques de soleil d'or. Toby et son élève rentraient par la digue d'Ostruvel. À cette heure, les rayons du couchant traînaient en coulées de cuivre sur les toits sans nombre de la rade. La marée soulevait les vagues, battait le flanc des vaisseaux et secouait les chaînes des ancres. L'air sentait la vase et l'iode. Mais là-haut, dans l'incomparable pureté du soir, le carillon de Notre-Dame éparpillait sa chanson de bronze et de cristal. En bas, c'était des cris et des rires, et aussi, du côté des ribes lointaines de la tête de Flandre, l'appel des bouviers qui rassemblaient leurs troupeaux en sonnant dans des conques marines. Il arrivait aussi que Pierre-Paul et son maître visitaient les villages du Petit Brabant. Le pays était fertile, cultivé à la bêche comme un jardin potager. Cette fois, ils poussèrent jusqu'à Wommelgem, où ils firent une rencontre. Pâques fleurissait les prés. Le gémissement des colombes, le gloussement des poules, le nasillement des canards égayaient les basses-cours. Parmi les vergers, le village alignait ses toits de chaume autour de l'église. Sur la place, les paysans attendaient la sortie de la procession. Elle sortit vers midi. Derrière les flambeaux et les bannières marchaient les enfants déguisés en anges, un homme guéri de la lèpre, des pénitents en cagoule et plusieurs personnages du Nouveau Testament représentés au naturel, les 12 apôtres, Hérode, Saint Jean et Jésus avec sa croix. À l'apparition de Jésus, les fidèles se mirent à genoux. Le figurant jouait son rôle consciencieusement. Il était pieds nus et vêtu d'une tunique bleue. Par un effet de l'art, cette tunique semblait couverte de poussière, trempée de sueur. De même, le masque du Christ présentait un affreux spectacle. De son front, déchiré par la couronne d'épines, coulaient des torrents rouges qui se perdaient dans sa barbe et la ride amère de sa bouche. Parfois, il trébuchait et tombait sous son fardeau. Alors ceux qui jouaient les soldats romains le battaient et juraient comme des possédés. À deux pas du Saint-Sacrement, il vomissait des blasphèmes épouvantables, prodigieux, inouïs. Cela leur était permis à cause de leur rôle. Aussi s'en donnaient-ils selon leur appétit, heureux de pouvoir se soulager au moins une fois de leur vie sans risquer les abîmes noirs et les flammes éternelles de l'enfer. Derrière cette vision douloureuse venait le prêtre avec l'ostensoir. Il marchait lentement, voûté sous son étole vermeille, porté, on eût dit, par les nuages d'encens et les prières des pèlerins qui se pressaient sur ses pas avec toutes leurs plaies et leurs misères humaines, membres malades, goitres, rictus épileptiques, convulsions dues au mal. Après ce défilé de souffrance, la joie des rustres se débrida. Les couples se ruaient à la danse, filles blondes et rieuses faisant face à leurs galants en habits de fête, veste rouge, surtout noire, et la plume de faisan au chapeau. Près d'une mare, on égorgeait un gros cochon. Toby et Pierre-Paul entrèrent dans une auberge. À l'intérieur, ils remarquèrent un citadin qui buvait à l'écart. « Par la messe, dit Toby, c'est Peter Bruegel, en chair et en os, Pierre-Paul, tire ton bonnet, c'est un maître auquel nous devons tous le respect. » Bruegel passait pour misanthrope. Verhaegh n'osait l'aborder. Il expliquait. « Bruegel aime les paysans. Cela est naturel, puisqu'il est lui-même fils de la terre. Il a étudié chez Peter Koch, d'Alost. » Bruegel, un moment distrait par le tumulte de la kermesse, remarqua enfin ses deux admirateurs. Leur attirail de peintre les recommandait à sa bonhomie. Il sourit dans sa longue barbe noire. « Or ça, mes enfants, vous êtes donc confrères de Saint-Luc. « Montrez-moi vos croquis. » Verreg ne se fit pas prier. « Bien, approuva Bruegel, dit le singulier, de la probité et de la poésie. Tu l'as mis des arbres et des ruisseaux, à ce que je vois. » « Oui, confessa Toby. » « Et ce jeune compagnon ? » « Et voilà un crayon téméraire. » « Où vois-tu ces branches tordues et ces hommes remuants comme des anguilles ?»« De la simplicité, mon fils, et du naturel, avant tout. » Bruegel demanda de la bière fraîche. Il réfléchit, puis continua. « Toby Verrecht, puisque tel est ton nom, tu me sembles bien jeune pour avoir un élève sur ton élève de cette trempe. Pierre-Paul ne restera pas longtemps chez moi. Bientôt je partirai pour l'Italie. » Là, encore un qui va s'enivrer de vin épais et de lumière trop crue. Les Italiens sont tout ce que tu voudras, hormis des peintres. Les plus beaux génies de la terre, mais pas des peintres, non? D'ailleurs, comment le seraient-ils? Chez eux, le soleil n'a que deux tons à sa palette. Trop de clarté, trop d'ombre. Et quel hableur! On leur demande une étable de Bethléem, ils se perdent dans les gradins, les terrasses et les tours d'un palais de Babylone. Des noces de Cana, et ils construisent une colonnade. Pour eux, il n'y a ni homme, ni femme, ni dieu, ni saint, ni martyr, mais rien que des figures de style, des sujets académiques, des études de nu, d'anatomie, de raccourcis. Ce sont de mauvais hôtes qui servent à vin médiocre dans des coupes ciselées d'or et d'argent. J'aime mieux boire dans mon pot d'état. Pourtant, maître, on assure que vous avez franchi les monts. Certes, et j'ai contemplé les champs augustes, où il y a des tombeaux, les rochers, les collines couronnées de pins parasols, la mer très bleue. En cherchant bien, on trouve. Il y a Angelico, Vinci, le Titien et d'autres encore. Mais il faut être de chez soi. Qu'est-ce qu'un arbre transplanté? Mes enfants, grandissez. Que vos racines pénètrent jusqu'au cœur du sol natal. Vous deviendrez vigoureux et riche de sève. Alors, après les fleurs de votre jeunesse, les semences de votre été, viendront les fruits de l'âge mûr. Étendez vos branches, ployez sous le fardeau. La destinée est accomplie. Distribuez ces fruits sans compter. Donnez-les à tous ceux qui passent, aux pauvres, aux riches, à ceux qui ont faim et soif, à ceux qui sont rassasiés. Vous les abandonnerez même aux ingrats qui vous jettent des pierres. Bruegel se leva et sortit de l'auberge suivi de Toby et de Pierre-Paul. Au dehors, la fête s'enfiévrait. Les couples sautaient en cadence au son de la cornemuse. Les ivrognes se prenaient aux cheveux et les femmes épouvantées tiraient leurs maris hors de la bagarre. Ailleurs, les groupes plus pacifiques admiraient les prouesses des joueurs de boules et des tireurs à l'arc, dont les flèches vibrantes frôlaient le papeguet glorieux planté au sommet d'un grand mât. « Cela va bien, » dit Bruegel. « Les paysans sont heureux à présent. Il n'en a pas toujours été ainsi. » Au temps de ma jeunesse, il y eut d'affreux massacres dans le plat pays. Peter Cook m'a raconté l'histoire des esclotiers. C'étaient les manants qui n'aimaient pas les moines et voulaient servir Dieu à leur manière, bien avant Luther et les autres. Ils furent persécutés. Pendant qu'ils se livraient à leurs orgies rustiques, ils étaient parfois cernés par une bande de reîtres. Les soldats mettaient le feu au toit de chaume, assassinaient les enfants, les femmes et suppliciaient les mâles. Souvent, les bourreaux enduisaient le corps de leurs victimes de miel en renversant à proximité une ruche pleine d'abeilles irritées. Voilà un sujet de tableau valant mieux que les fats Saint-Sébastien qui nous viennent de l'autre côté des Alpes. Tout en marchant, les promeneurs étaient arrivés à hauteur du cimetière de Wommelgem. Sans se soucier des joies du village, le sacristain creusait une fosse dans la terre jaune entre les pierres tombales et les croix de bois. Il découvrit un crâne humain qu'il écarta d'un nonchalant coup de bêche. Une seule chose importe, conclut Bruegel le singulier. À quoi sert la besogne de ce triste laboureur? Son champ est-il stérile, ou produira-t-il un jour sa terrible moisson de damnés et d'élus? C'était Bruegel le singulier, par Horace van Hoffel.